Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour à tous. Cette semaine, dans la presse, on a beaucoup parlé du climat et plus encore d'une certaine adolescente. Des papiers, il y en a eu un peu partout. C'est notre futur. En Belgique, les jeunes sèchent les cours, titraient les Arocs le 14 février, ou bien grève scolaire pour le climat dans Basta. Ou encore Libération le 22 février qui écrit « Étudiants et lycéens étaient environ un millier à manifester vendredi dans la capitale en présence de la Suédoise Greta Thunberg pour que la lutte contre le dérèglement climatique devienne une priorité politique. L'adolescente dont la presse a parlé cette semaine, c'est bien elle, Greta Thunberg, venue soutenir le deuxième vendredi de manifestation de la jeunesse en France pour le climat. Alors je rappelle un peu l'idée, c'est de sécher les cours. Vilain, mais bon, le vendredi, pour protester contre l'inaction des gouvernements pour préserver le climat. Le nom du mouvement, c'est hashtag Fridays for Future. Et ça démarre tout juste chez nous en France, un peu en retard par rapport aux autres pays européens. Les organisateurs espèrent voir la mobilisation monter en puissance jusqu'au 15 mars, journée de mobilisation internationale pour le climat. On lit dans Libé qu'une étudiante de l'université Paris-Dauphine se félicite que la mobilisation prenne si bien dans sa fac. Depuis vendredi dernier, nous dit-elle, nous organisons des réunions d'information et plusieurs de mes profs m'ont apporté leur soutien. À quelques slogans de là, une jeune femme manifeste et soupire. J'espère que ce ne sera pas une énième marche pour le climat qui n'aboutira à rien. Avec mes amis, nous sommes prêtes à aller plus loin. On ne mange plus de viande et on ne veut plus prendre l'avion. Sage décision. Hier au Japon, bientôt aux États-Unis, en Ouganda, en Australie, la grève a conquis en quelques semaines les 5 continents. Vous serez mort en 2050, pas nous, scandent les jeunes dans les rues de Paris. Pas sympa, mais réaliste. Du côté du gouvernement, on assure soutenir le mouvement, bien que pour l'instant, aucune mesure concrète le prouvant n'ait été annoncée. Alors, est-ce que ce sera, comme le dit la jeune femme interviewée par Libé, une énième marche ou est-ce que quelque chose a changé? Dans l'Express, on lit « Armada de caméras, de micros, d'appareils photo, place de la République. À Paris, une rockstar de passage ?» Eh bien non, c'est Greta Thunberg qui se livre à un point presse, entourée de jeunes leaders européens engagés dans la lutte contre le changement climatique. Une nuée de pancartes s'agite et rivalise d'imagination. Moins de riches, plus de ruches. La planète fond, ils ne font rien. Sauvons les ours polaires, pas les actionnaires. Mais qui est donc Greta Thunberg? Our house is on fire. I am here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. Voilà, notre maison est en feu et on ne pourra sans doute bientôt plus revenir en arrière, c'est ce que dit Greta, suédoise de 15 ans, aux dirigeants de son monde, de son monde aussi d'ailleurs et d'une autre. Toujours dans l'Express, pour Louise, lycéenne, c'est certain, c'est sa détermination qui nous inspire. Greta, elle a bluffé ses admirateurs lorsqu'elle s'est adressée aux grands de ce monde lors de la COP24 en Pologne, puis à Davos en janvier. À ces adultes qui pourraient l'impressionner, elle n'hésite pas à lancer « Je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez ». Le site L'Info Durable pose la question « Comment la Suédoise Greta Thunberg est-elle devenue en quelques mois une icône mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique ?» Alors on revient un peu en arrière avec un portrait de la jeune fille publié par Le Monde en décembre dernier. Elle a commencé toute seule, assise devant le Parlement suédois avec sa petite pancarte en carton qui disait « Grève scolaire pour le climat ». Elle voulait envoyer un message aux candidats dont elle estimait qu'aucun de leurs programmes ne permettait de préserver la planète des effets du changement climatique. 3 mois et demi plus tard, la jeune suédoise était devenue un phénomène sur les réseaux sociaux, phénomène qui s'est propagé de la Scandinavie en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et jusqu'en Australie, où des milliers d'élèves se sont rassemblés devant les parlements régionaux le 30 novembre dernier. Le journal Le Monde nous cite certaines de ses interventions. « Votre silence est presque pire que tout. Le futur des générations qui viennent repose sur vos épaules. Ceux d'entre nous qui sont encore des enfants ne pourront pas changer vos actions actuelles quand nous serons suffisamment âgés pour faire quelque chose. » Ses parents lui ont emboîté le pas. Sa mère, pourtant chanteuse lyrique internationale, ne prend plus l'avion. Mais dans d'autres familles, c'est moins simple. Et tout ça, ce n'est pas sans poser quelques problèmes générationnels. On revient au magazine L'Express, qui publiait déjà en octobre dernier sur le sujet, avec ce titre « Climat quand ça chauffe entre parents et enfants ». Les sujets de débat ne manquent pas entre nous, rigole Mifig Miraisin Anne-Sophie de l'ONG Climat. Pour elle, c'est devant un rôti qu'a eu lieu la première escarmouche avec ses parents. Je leur ai annoncé que j'en voulais pas car j'avais décidé de plus manger de viande. Notre alimentation carnée n'est plus soutenable. Pour obtenir un kilo de viande de bœuf, il faut utiliser 15 000 litres d'eau alors que des régions entières meurent littéralement de soif, incompréhension parentale, évidemment. Et c'est aussi ce qu'affronte Pauline, bénévole pour une association sur les questions environnementales. Je suis pour l'interdiction du glyphosate. Alors que papa, qui est agriculteur, utilise ce produit et le juge utile. Du coup, quand il m'entend, ça le met hors de lui. Chez Marine, on se contente de petites victoires avec les parents. Il y a des progrès, sauf peut-être avec sa grand-mère, qui fait de la résistance et la surnomme l'herbivore. Attention, les vieux sont pas du tout pour les progrès. Alors, pour faire le point, sans se fâcher, regardons en famille France Télévisions Éducation, et ce sera le petit conseil média jeunesse du jour. C'est gratuit, c'est sur francetv.fr. Et ça nous raconte les 12 solutions des enfants pour le climat dans le programme Un jour, une question, qui répond chaque jour à une question d'enfant en lien avec l'actu en 1 minute et 30 secondes. Et puis je vous propose de finir aujourd'hui en musique sur la sage et docte solution de Philippe Catherine, qui s'impose à la suite de cette rencontre avec Greta Thunberg et la jeunesse militante. L'humour en plus peut-être. On écoute Philippe Catherine, Laissez-moi manger ma banane. Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi banane tout nu sur la plage. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi.